Coronavirus, on continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, communication, culture. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, encore plein de nouveautés. On va donner le coup d'envoi ce soir avec Arc of Life, un groupe dérivé de Yes, je pense qu'on peut le dire de même, puisqu'il y a trois membres de l'actuelle formation de Yes qui sont au sein de ce groupe, dont John Davidson, le chanteur, Billy Sherwood et le batteur Jay Shellen. On va poursuivre avec Suburban Savages. Ça, c'est une nouveauté norvégienne. Un projet de Trond Hjellum, batteur du groupe Panzer Papa. C'est de l'album Demagogue D. Et une nouveauté du coin de la France, Jean-Pierre Louveton ou JPL. Une nouveauté, Sapiens, chapitre 2, Deus Ex Machina. C'est le 10e album du guitariste de Nemo sous le nom de JPL. Et on y va avec Arc of Life. Lockdown and under fire by four small multipliers, pushing and pulling their ways on through the smoke and the haze. Repeating. Be generally loved. roches, aux arbres et aux pierres qui sonnent, nous, où allons-nous, sommes-nous, où? Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1. Québec. On poursuit avec une nouveauté, mais en fait, c'est pas tout à fait une nouveauté. C'est plutôt un projet qui est ressuscité. On parle de Three, un groupe formé à la fin des années 80 par Keith Emerson, Carl Palmer et Robert Berry, un chanteur, guitariste, bassiste et réalisateur américain. C'est un projet qui a été de éphémère, comme on peut dire, puis ça a duré un an et quelques. Un album paru sous le nom de Three, c'était de To the Power of Three, paru en 1988. Mais par la suite, Robert Berry avait réussi à convaincre Keith Emerson de remettre le projet sur les rails. Il y a eu des négociations avec la maison de disques italienne Frontiers et signature d'un contrat avec Berry et Emerson. Un album devait paraître, mais finalement, le décès de Keith Emerson a évidemment mis les choses sur la glace pour vrai. Mais Robert Berry a cru bon de récupérer toutes les bandes et les maquettes de travail et a proposé en 2018 un premier disque sous le nom de 3.2, Three.2. C'était l'album The Rules Have Changed qui est paru en 2018 et semble-t-il qu'il restait assez de matériel pour pouvoir continuer. Donc 2021, Third Impression, encore sous le nom de 3.2. Ce sera suivi de Baroque Project, un extrait de l'album Seven Seas, leur plus récent, paru en 2019. C'est pour souligner la parution de The Box Set, le disque, le coffret a été lancé hier, 19 février. Et c'est un coffret qui réunit les 6 CD que le groupe a présenté entre 2007 et 2019. Un coffret de 6 CD, donc tous les disques ont été remasterisés et avec des bonus, des pièces bonus, et dans le cas des deux premiers, c'est-à-dire Mysteriosi Voci et Rebus, les deux albums ont été aussi remixés. Donc, bonne nouvelle pour les fans de Baroque Project, de cette formation italienne. Et ben, on va rester en Italie pour conclure ce bloc avec un groupe qui a pour nom Hydra. Ça nous vient d'Italie, comme je le disais. Et c'est un extrait de l'album La Balena et la Luna. Et on y va avec 3.2, Third Impression. Thank you. rest. Not a world so mean at the seams so stressed. Here we are in a hurricane, just swirling around, nowhere to sustain. We can see it in a cynical way, where many stand in anxiety land. Never thought I'd see when the going gets tough, some running high saying no. the place and time souls touched again. The past remembers the words now spoken with the names we cry. The fight begins, and in the tears the world starts again as the old ways end. Life is reborn. We'll be right back. did appear today. Up on the stage I brandished my name no long before. So why do I feel so alive? I can try this song again. I idle away while I face the gateway to the world. I can't believe this silence. I've been tricked so before. Why do we sell ourselves so cheap? Hard to believe I've been ensnared. I must believe a noble face. I can feel my pulse today. I don't know. This sweet morning, all not ending, building towers in the clouds, oh no. Magica, rumori lontani, quasi impercettibili, misteriosi, incomprensibili. E così cominci a pensare, è qualcosa che non puoi controllare, idee che volano via, mescolandosi alla foschia, che come sempre sfugge inesorabilmente, ma ecco che improvvisamente senti mille note ancestrali venire da posti lontani, viaggi indietro nel tempo, ma sai che soltanto hai raggiunto la meta, in questa nebbia hai trovato la via, e seguendo le tue convinzioni scriverai nuove canzoni. In questo freddo avvolgente c'è confusione nella tua mente, ma ecco che improvvisamente CKRL 89.1. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. On donne le coup d'envoi de ce bloc avec une nouveauté, et vraiment nouveau parce que c'est le lancement sur nos ondes du deuxième extrait du nouvel album de Odessa. L'album n'est pas encore lancé et il aura pour titre l'Alba de la Civiltà. Et la pièce a pour titre Buio e Luce Part 2. C'est la suite d'une pièce qui est parue sur le premier album du groupe en 1999, Stazione Getsemani. Ce sera suivi de Baroque Project, je vous en parlais tantôt. Il y a un nouveau coffret qui vient de sortir, c'est tout chaud, de Box 7. Et on va écouter cette fois-ci un extrait de Detachment, paru en 2017, suivi de Finally George, un projet du musicien technicien allemand George Hahn, avec quelques invités dont Erland Krauser du groupe Lake, Todd Sucherman de Styx, et on va conclure avec une petite découverte italienne, Hydra, la Balena et la Luna. Mais pour le moment, on écoute Odessa, un extrait d'un album à venir, Buio e Luce, Part 2. Thank you. il tuo respiro e niente più. Nella stanza bianca il buio scenderà. La notte parlerà dei tuoi primi sogni, lei ti chiederà. Se li vuoi, li vorrai, ci sarà, perché dopo il tuo risveglio costruiremo un mondo contro gli sciacalli intorno a noi. Lotterò, infrangerò e riuscirò, e se al mondo non c'è pace, segui la mia voce. Come il mare che ti parla piano, come il vento che sussurra al grano, sono io che stringo la mia mano a te. Che non trema, segui la mia mano, io non temo, segui la tua voce che ti guida a me. Watches everything is green.

che alchimia. Solo spinosa nostalgia. Senti laggiù il suono del mio rimpianto. Senti parlare, anche solo ascoltare, dai, non te ne andare. Contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca 89.1. C'est KRL. Québec. On va ouvrir le dernier bloc musical de cette émission de ce soir avec une formation italienne qui a pour nom Raven Sad. C'est pas la première fois qu'on vous en présente. C'est de l'excellent album The Leaf and the Wing, quatrième album pour cette formation italienne. Ce sera suivi de Atlantis. Et là, je tiens à préciser, c'est Atlantis, le groupe américain qui a lancé deux albums. Le premier, Atlantis, en 1997 et le second, Pray for Rain, en 2003. D'ailleurs, on peut mentionner que pour ce second album, il y avait un invité surprise, Alan Osworth. Et puis, l'autre groupe dont je vous parlais, donc qu'il ne faut pas confondre, c'est Atlantis, un groupe allemand qui était actif dans les années 70, donc c'est très différent l'un de l'autre. Et bien, on y va avec Raven Sad, The Leaf and the Wing. Repent it. hands touch, everything it turns to dust. Every flower putrefies, every dream a nightmare eyes. You are the source of your troubles. Wanna be, you are your personal enemy. I'm the savior, so the end man. You are, so you are. So as the moon is not too far, he takes one step. That's not lie. You may try to accept it. Knowledge from my single seed. Oh. C'est déjà le temps de vous quitter. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Je vais vous laisser avec un souvenir. Je pense que certains vont s'en rappeler avec un grand sourire. Collage de l'album Moonshine. Dans les années 90, cette formation polonaise était probablement une des plus populaires dans le genre ce que les gens appellent néo-prog. Et puis, avec raison, je vais vous présenter un extrait de Moonshine, un album vraiment excellent. Et puis, le groupe s'est séparé, mais ça a donné naissance à Satellite, une autre excellente formation polonaise. Et puis, l'histoire a continué. 2003, un premier album, Street Between Sunrise and Sunset. Mais là, pour l'instant, écoutez, on va écouter Moonshine, un classique des années 90. Je vous rappelle que... écoutez, vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook de Terrain Incognita. Et puis, je vous invite à rester des nôtres. L'autoroute dans quelques instants. Et puis, écoutez, bonne nuit à notre écoute et revenez-nous la semaine prochaine. No shadow. whispered to far. One silent night without end, I let the moon shine inside. I'm gently making my way through seven colors of light to get right into your heart. Hey, I feel the rhythm inside in every cell of my blood. I can't resist. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. Dans la vie, je suis un créateur de sons, un artisan de l'archet, le roi de la double croche. J'écoute, je pratique, j'interprète les plus grands compositeurs et j'apprends des meilleurs professeurs. Le Conservatoire de musique de Québec. Une formation de qualité supérieure, un encadrement rigoureux, un enseignement personnalisé et une dynamique culturelle vivante. Fais de ton instrument ta passion et de ta passion ton avenir. Le Conservatoire de musique de Québec. L'art de faire briller les talents d'ici. Admission dès maintenant. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café.